Ladies and gentlemen, just hearing the story of Marie Tutul. I say yeah. Yeah. I say yeah. Yeah. I say yeah. Yeah. On va essayer. On va fallait tout dire à viser à ce qu'ils ont. Ils faisaient que des conneries sans s'en rendre compte. Si par malheur ils vous servent un verre d'eau, osez tout éclabousser, taire tous tout le monde. Quand ils rencontrent des braves gens dans une fiette, qui avouent une femme avec un petit peu de vente. Jamais qu'au pas il fallait que cette sale biette, il y demande chier les taux vraiment enceinte. Allez, oh, les paroles sont bas. Si, T-T-N Marie Tutul. Tu fous le panique quand tu déboules. Marie Tutul. Tu t'entends tout dit dans le verdoul. T-T-N Marie Tutul. Tu racontes ta pistoule. Marie Tutul. Tu t'entends tout dit dans le verdoul. Hey. Faire des frites, c'est au pire qu'un 40. Il se coupe les dos en plus qu'en les pétote. Et quand il plongeau le panier dans le graisse bouillante, le friteuse elle prenne au fût, c'est au du propre. Même au volant de scatrelle, c'est au pas nu. Quand il se garé, il met au bol frein à main. À ce maison, le commande garage, c'est au peintu. Il retrouve au tout discarrette chez Saint-Bizin. Vous avez compris? Mon le 4L chez le voisin ici. Chez le Bizin. 4L. Eh, Bizin. Le 4L à Babou. À Babou. Il est à Babou. À Fleur, la 4L. Et nous, on rigolait. Mais ça te fait rire, t'y. Rigolo, rigolo. Et tout le monde y rigolait, n'avait qu'à rigoler. Et tout le monde y rigolait, chier. Ah bah bravo. Et le voisin. Le voisin. Il a dit, Babou. Ouais. Ouais. Présent. T-T-N Marie Tutul. Tu fous panique quand tu déboules. Marie Tutul. Tu t'assoies tout dit dans le verdoul. T-T-N Toutoul, tu racontes ta pistoule. Marie Toutoul, tu t'en tout dit dans le verdol. Hey, hey. Nous ne savons pas ranger ses affaires, ils ont rien de vin. À ce maison, tout y traîneau chez tôle barzingue. Même qu'une fois, sa femme, elle l'a vu dans le salle de bain, en train de s'essuyer avec une vieille wassingue. L'allô parfois au bistrot, rien de pas méchant. Des fois, comme tout le monde, y prenons une bonne tolle. Il remonte sur sa vélo et zoom un grand. Mais il oublie d'en retirer l'anti-vol. Il est quand même vraiment très con. Ça va un peu vite. Vous savez, on est allé en Bretagne. Oui. Et ben, ils ont rien compris. Alors, on a dû traduire en breton. Et une fois en flamand. Marie Tutul, Brie Ben Brunk. Alors, ils n'ont rien compris non plus. Hein. Ah. Alors, non. Ouais, il fait le flamand. C'est très con, mais c'est visuel. Hein. C'est des... ah, flamand. Ça va beaucoup d'imagination. Excellent. Ouais, tant qu'il y a le short titi. Bon, alors, donc, c'était ça. Ça lui est arrivé aussi. Comme ça, oh, il monte sur son vélo, on sortait de la taverne à Perrué, je sais qu'il n'a pas... Non, dis pas chan, femme et topolo. Chez Caro. Je lui ai jamais dit. Dis pas chan. Eh, il monte de... C'est un VTT en plus. Un VTT 18 vitesses. Mais c'est il n'ose pas l'échanger parce qu'à chaque fois que ça bouge, ça déraille. Alors, il se balade avec une caisse derrière son vélo, avec du savon et tout ça. Pour se laver les mains. Et du Evian. Coup de poisson, coup de poisson. Alors donc, il monte sur son vélo, il met un coup de pédale, boum, se gifle par terre. Et ben... Ça arrive. C'est un clown. Quel cirque ! Eh ben quoi ? Oui, quel cirque ! Babou est un clown ! Il nous le prouve ! La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la tous ensemble allez la la la la la la la la. Ah oui. la la la la la. Eh, ce soir on a des champions du monde. Ouais. Parce que les paroles sont vachement dures. Alors maintenant, on va faire un peu plus physique, puisque vous avez réussi, et je pense restez que depuis, bon, la, depuis le début de la tournée, vous êtes les seuls à avoir réussi à chanter ça. Eh, quand même. Alors, non, nous allons vous applaudir. Ouais, moi j'ai réussi aussi. Bravo. Et alors ouais, arrêtez de crâner. Non, eh, faut pas vous, pas, vous êtes chauve. Faut pas vous applaudir, hein, c'est prétentieux sinon. Ah, c'est non, nous qu'on vous applaudit. Alors maintenant, on va danser. D'accord. Mais attends, Raph, il faut pas non plus. On va danser. Qui... C'est bon, on a tous des bras. Allez. On les a retrouvés, pas de à droite, à gauche. On monte là-haut. Par là. Attention, c'est parti. Marie Toutoul. Devant. Ah, c'est dur, hein. Marie Toutoul. Devant. Comme les Claudettes. À droite. Marie Toutoul. Une salle de Claudettes. Marie Toutoul. Toutoul qui boule pas les cantines, les boules, les boules. Marie Toutoul, Toutoul et Toutoul qui sortent tout petit d'un verdoul, verdoul. Marie Toutoul, Toutoul et Toutoul qui racontent des tarapistoules, pistoules. Marie Toutoul, Toutoul et Toutoul qui sortent tout petit d'un verdoul. Marie Toutoul.